La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté, puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 boulevard Hamel, au numéro de téléphone 418-679-9494. On va parler des castors de Dolbeau, on va parler avec l'instructeur chef Robin Bouliane. Salut Robin! Robin, oui, effectivement, il y avait deux matchs en fin de semaine à Chibougamau. Ça, c'est toujours la même affaire. Il y a toujours un programme double lorsque vous allez à Chibougamau. C'est pas facile de jouer des programmes doubles, hein? C'est pas facile, surtout qu'on joue dans la même journée. Mais donc c'est pas facile pour les deux équipes. OK, OK. Comment tu as trouvé ça? Donc, deux défaites ce coup-là. Deux défaites, oui. Première partie, défaite de 4. On a quand même bien joué. C'était une game assez serrée. On perdait derrière 3-0 en première période. Bon, on a connu un match, début de match difficile. Après ça, on est bien revenu. On a remonté ça 3-3. On a égalisé ça 3-3. Puis on a eu beaucoup de chance de marquer un troisième qui aurait pu nous faire donner le devant. Mais à toute fin, là, ils ont marqué un but. Il restait 2 ou 3 minutes. Puis ça nous a cassé les reins. OK, OK. Donc, si on y allait maintenant avec dans ce match-là, j'ai pas encore les marqueurs, je vais les avoir dans quelques secondes. Écoute, les ambassadeurs, c'est toute une formation, hein. Cette année, ils ont une bonne équipe. Oui, bien, ils ont une bonne équipe cette année. Ils ont ça que j'ai parlé à l'entraîneur, ils ont beaucoup de vétérans des troisièmes années. OK. Donc, c'est sûr que ça lui donne une équipe quand même solide. Au niveau expérience, puis ils sont bien balancés aussi, autant au niveau attaque que défensivement. OK. Donc, dans le match dans le match que j'ai ici, dans la victoire de 5-3 des ambassadeurs, il y a Philippe Leroyer qui a marqué 2 buts dans cette rencontre-là. Il va bien, Philippe, hein? C'est net, ça? Oui, ils ont connu une grosse, 2 gros matchs, le trio. Donc, ils ont bourdonné pas mal. C'est sûr que c'est trois vétérans qui jouent ensemble, puis non, ça parce qu'ils se connaissent bien sur la glace. Oui, exactement. OK. Ça, ouais. Et dans l'autre match? Dans l'autre match, c'était plus difficile un peu. De fait, de 5-1. Encore une fois, on a connu un mauvais début de match. Puis ça nous a, dès le début, on n'a jamais pu s'en remettre. Puis c'est sûr que la confiance des jeunes, on connaît une période un peu difficile. Puis dès qu'on prend, on tire de l'arrière, on dirait qu'on a tendance à baisser les bras. Puis c'est là qu'il faut retrousser nos manches puis travailler plus fort. Fait que dans le fond, on les épreuves, on a envie dans le sport, on a envie dans la vie. Puis la meilleure façon de s'en sortir, c'est justement de se lever la tête, se retrousser les manches, puis de travailler fort. C'est là-dessus qu'on va travailler au cours des prochaines pratiques. Puis c'est une grosse job de psychologie aussi à faire, hein, quelque part. Absolument. C'est la confiance, c'est dur à gagner, puis c'est facile à ébranler aussi. Mm-hmm. Donc puis on garde le moral positif quand même. Puis il faut travailler sur les petites choses qu'on a amélioré, puis de pas lâcher. OK. En fin de semaine? Cette semaine, on a notre match d'ouverture. On joue 2 matchs contre les... voiture officielle, qu'on pourrait dire, parce que c'est... L'ouverture, c'est l'ordre qu'elle est faite, là. Qui est un peu tard. On a gardé après nos chandails. OK. Nos nouveaux chandails pour faire le match d'ouverture. On attendait, évidemment, un match local. Donc, le timing était bon avec la visite là, de Baie-Comeau pour 2 matchs. Donc, samedi après-midi et samedi soir. Okay. Le match d'ouverture aura lieu samedi après-midi. Puis, le lendemain dimanche, on joue à Jonquière contre les Marquis. Donc, Une grosse fin de semaine de 3 matchs. Ça prend beaucoup de PA dans ce temps-là, hein? Pardon? Ça prend beaucoup de joueurs affiliés, j'imagine, dans ce temps-là. Ben, on est quand même chanceux au niveau des blessures. À date, ça va bien. Il y a peut-être là Jean-Simon Pelchat qu'on ne sait pas s'il va jouer en fin de semaine. Mais quand même, ça va. On va toucher du poids à ce niveau-là. On a, On est quand même chanceux. OK. Hey, dis-moi, je vais y parler la semaine prochaine. La Ligue JMS, depuis que ça a changé, j'ai fait une entrevue avec le président Pierre Gay, que c'était la catastrophe. Ben, pas la catastrophe, mais c'est tout le monde... En début d'année, tu sais, on savait pas trop ce qu'on s'en allait avec ça. Là, as-tu vu beaucoup de changements depuis que c'est la nouvelle direction? C'est-tu plus positif? C'est-tu plus du côté des... Honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de... Tu sais, c'est sûr qu'on s'occupe de nos équipes en particulier. On a un gouverneur. À date, on a eu une rencontre. Là, Éric Delisle, qui est notre gouverneur, okay. Il y a eu une rencontre. Est-ce que il y a eu un gros changement par rapport à l'an passé? C'est difficile à dire. Surtout qu'on n'était pas présent dans la Ligue l'an passé. Mais je pense que il y a eu des nouveaux membres dans le CA, puis c'est repris de bonne façon, je crois. Là, en tout cas, c'est ce que ça semble indiquer. Okay. On voit pas d'anomalie ou des manques. Je pense que le site est bien tenu à jour. Les informations sont transmises, sont communiquées. Donc, c'est le rôle un peu des dirigeants de la Ligue. Donc, si ça va bien de ce côté-là, ça veut dire que ça va bien, il n'y a aucun problème. Ça veut dire que c'est... Absolument. On va y parler la semaine prochaine, Pierre-Guy, puis pour avoir du côté de la Ligue, comment qu'elle trouvait ça, qu'est-ce que l'amélioration à avoir, il faut s'attendre à l'amélioration, parce que quand il a pris ça, le feu était comme pogné, là. Mais là, maintenant, j'imagine qu'il a tout ramené ça. Fait qu'on va savoir qu'est-ce qu'il faut se faire dans les prochaines années. Pierre, Robert Bouguiane, un gros merci. Est-ce que la semaine prochaine, on se parle? Parce que je sais que c'est pas toujours possible. Oui. Oui, OK. Ben, donc voilà, c'était c'était Robert Bouguiane des Castors de Delbois.